Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Liberté. Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs. Égalité. Personne n'a du pouvoir sur personne. Fraternité. Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs. La seule incitation à innover, c'est qu'on vous copie. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes, au cas de rediffusion à un autre moment de l'année et de la journée. C'est bien Source qui poursuit dans la lancée de ce dernier Campus Info de la semaine sur Radio Campus, le 92.1 de la bande FM de Bruxelles, et sur le stream de radiocampus.be. Et bien Source va vous emporter jusque vers plus ou moins 19h30 pour vous faire un petit tour non exhaustif de tout ce qu'il y a de bon, de bien, de beau, à savoir autour du libre, sous toutes ses formes et sous tous ses formats, et un peu de plateforme de réseautage qui ne volent pas vos données, qui ne les revendent pas non plus. Nous aurons quelques invités en studio pour vous en parler avec beaucoup plus d'entrain, de cœur et surtout de nouvelles fraîches parce que les projets sont en cours. Alors le temps que nous prenions place en studio et que vous preniez place dans votre studio à vous, dans votre canapé, dans votre régie, on va partir du côté de Dexter Britain. Avec son time to run, effectivement, il est temps de courir, ce qu'on a déjà fait pour arriver ici un petit peu à l'heure. Voilà, Source, l'émission de Radio Campus de l'Université Libre de Bruxelles et sa petite communauté. Thank you. Thank you. Et voilà un dernier petit morceau de Hartner, avec son morceau Translate, qui nous vient de la plateforme auboutdufil.com, qui permet de faire le choix, le tri, de faire ses petites emplettes. Et là, c'était du Funk Groove Lounge Trip Hop, par exemple. Et tout cela est en modèle de musique libre de droit du Creative Commons, du CC by SA, et donc là, on pouvait le copier et le publier. Voilà, merci Hartner, c'était bien sympathique de nous proposer ce petit morceau de Funk Groove Lounge Trip Hop. Mais voilà, attention qu'on a encore du pain sur la planche et que Source va jusqu'à ses 19h30 vous faire un petit topo de ce qu'il y a de chouette. Et mais d'abord, le temps de trouver une prise électrique pour brancher la lime d'un ordi. Il y en a dans tous les sous-bassements de cette belle table de notre nouvelle régie. Et donc je vais allumer un peu les micros par là-bas et saluer mes copains collègues du soir. Bonsoir Lekin, bonsoir Natacha. Salut à toutes, salut à tous. Bonsoir. Bonsoir, là, je te laisse le temps de t'installer, pas de souci. Il y a donc Virginie qui fait semblant qu'elle n'est pas là. Ouais, elle fait semblant, mais elle fait juste semblant, hein, tu vas voir. Alors, c'est chouette de vous retrouver, ça faisait une petite lune qu'on ne s'était plus croisés par ici. Alors, Lekin, Natacha, c'est un peu in common, c'est un peu petite singularité, c'est un peu Discord. C'est un peu de oui.be. J'ai oublié quelque chose? Internet, Decentralized Internet and Privacy Dev Room at FOSDEM. On va parler du FOSDEM effectivement pour les 1er et 2 février prochains. 2 et 3, je pense. Oups, bon, on va retrouver ça dans un calendrier tout simplement qui nous dit qu'en février, c'est bien les 2 et 3, samedi et dimanche, le premier week-end de février, le FOSDEM effectivement reprendra ses quartiers sur le campus même ici. Mais on aura le temps d'en reparler d'ici là, hein, ça y a pas de souci. Alors Lekin et Natacha, comment allez-vous? Vous êtes en balade continuelle de dev room d'altitude en dev room de ville? Ouais, moi je touche plus terre. Tu ne touches plus terre? Non. Non. Moi j'essaye, mais j'y arrive pas. Mais je vais bien. Donc on va bien avec petite singularité qui continue. On arrive. La raison de notre présence ici, c'est notre rencontre avec Fredux et Virginie dans l'atelier mené par Jean-Luc Maniz sur. C'était sur les algorithmes, si je crois bien, en tout cas. Voilà, c'était un petit chapitre, mais c'était en tout cas une approche critique et humaine du numérique. Et globalement. C'est une série de formations qui le mène, quel engagement. Mmh. Ça fait plusieurs années qu'il mène ces formations de façon régulière pour tout le milieu associatif belge, je pense, avec le CESEP. CESEP et Point Culture sont associés dans le renouveau d'une citoyenneté numérique bien assumée et qui ne donne plus le flanc aux GAFAM. Et oui, moi à chaque fois je trouve ça très intéressant parce que c'est toutes sortes de gens qui débarquent de leur milieu professionnel avec des questions vraiment pratiques et pragmatiques de savoir comment est-ce qu'ils peuvent transformer leur pratique professionnelle quotidienne. Mmh. Et pour nous qui sommes plongés dans le logiciel libre depuis des années, c'est un peu surprenant à chaque fois de se retrouver face à des gens qui n'entendent jamais parler des communs, qui n'entendent jamais parler de logiciels libres ou d'open source qui ne savent pas ce que c'est que Mastodon ou Linux ou GNU ou tout ça. Mm-hmm. Et donc, c'est un peu, voilà, pour le coup, là, ça fait reconnecter à la Terre. Uh-huh. Et Radio Campus, une radio à vocation didactique. C'est un de nos super vieux jingles, donc on est pile poil dans la tranche qu'il fallait. Yes. Alors, tu as dit GNU, par exemple, ça c'est le plus beau pied de nez. GNU's not Unix. Tu veux que je parle du GNU? Allez, en quatre mots. Liberté, égalité, solidarité. Soralité. Sororité. Sororité. C'est la fraternité, apparemment, ça marche pas, ils se tapent tous sur la gueule. Ouais, c'est les gilets jaunes contre les gilets bleus, là. Ah, les gilets jaunes, oui. Mais non, ça, on n'a pas besoin d'en parler tout de suite. Et donc, on était sur Petite Singularité. Donc ça, c'est du concret, c'est dans Bruxelles, c'est une jolie petite ASBL qui a quel objet social, par exemple? Alors, je vais laisser Elekine l'énoncer voilà, parce qu'on a un objet social qui est à cheval entre un certain nombre de disciplines, qui touche à l'esthétique, qui touche aux pratiques du libre, qui touche aux pratiques collectives. Et on est convaincu que c'est en naviguant entre tous ces éléments qu'on pourra réussir à aborder la complexité de ce qui nous entoure. Mais il va vous le lire en détail. Oh, alors là, ça va être splendide. Je passe encore une petite musique libre de droit. Non, tu vois. Alors, attends, je crois qu'il l'a. Ouais. Le but social. Tu as demandé le but social. Tu veux le but social ou l'objet social? Parce que ce sont deux articles différents, tu sais. Écoute, un but, souvent, il y en a deux. Enfin, n'importe quel terrain de foot, il y a toujours deux buts. Alors, le but social, c'est l'association a pour but de porter un regard différent sur l'esthétique transindividuelle dans le cadre des collectivités et de leurs pratiques numériques. Waouh! C'est excitant. Alors là, le décor est planté. Et l'objet social, petite singularité, porte des projets esthétiques sous diverses formes libres, adaptées à leur expression et leur diffusion auprès du public. Recherche-action littéraire, poétique, artistique, logicielle, philosophique, vivante, les petites singularités éditent, publient, produisent, hybrident, accompagnent, invitent, voyagent. Et je tiens à dire que c'est le genre de choses qu'on ne peut pas mettre dans des statuts en dehors de la Belgique, parce que les statuts, par exemple, d'une association en France doivent rentrer dans des cadres très spécifiques du cercle économique, du cercle crématistique, plutôt, pour faire la différence. Si les auditeurs veulent chercher la différence entre crématistique et économique, le premier à nous sortir la différence de sa propre voix gagnera un cadeau surprise. Allez, pour cela, je vais volontiers ouvrir un petit salon sur framatalk.org/source, hein, et on va voir si, comme il se doit, nous sommes ouverts sur la diversité. Et d'autres singularités, donc petite singularité, grande diversité. Alors si framatalk.org/source fonctionne, eh bien vous pouvez le taper chez vous dans votre navigateur préféré et activer le micro. La webcam, on s'en fout complètement, mais en tout cas, il y a moyen éventuellement de nous faire un petit coucou par internet sur une cabine téléphonique publique, mais privée. Voilà, framatalk.org/source. Ah oui, ce serait vraiment chouette de vous entendre, parce que petite singularité, c'est au pluriel, parce que bien entendu, il y a un grand nombre d'émergences différentes, de particulières qui s'assemblent pour constituer le champ des transformations possibles. Ouais. Ouais. Et donc pour ça, vous avez quelques petits outils maison fort sympathiques, comme une instance de ce site de micro-blogage, blogging, blogueuse, blogophile. De Mastodon. De Mastodon, il y a une petite instance Mastodon qui est hébergée par vos beaux services et avec vos petites mains que vous faites du joli code. Sur lesquels vous êtes les bienvenus, il faut demander une invitation pour s'inscrire. Donc l'adresse, c'est le s10y.eu. S10Y, ça fait office de singularité, qui veut dire l'autonomie. Et Mastodon, pour ceux qui... Non, qui ne veut pas dire l'autonomie, je me fais... C'est un raccourci qui veut dire l'autosuffisance. Subsidiarity. Donc Mastodon, pour ceux qui n'y sont pas encore, qui n'y ont pas encore voyagé, est un média social décentralisé, donc hébergé dans un grand nombre d'instances, qui fait office de microblogging, comme le dit justement. Oui, voilà. Si on doit utiliser des termes commerciaux fort utilisés, c'est un équivalent de Twitter. On peut le catégoriser comme ça ? À la différence que sur Mastodon, on a trois timelines, au moins, qu'on peut visualiser. On peut visualiser la timeline fédérée, qui présente toutes les instances qui sont fédérées à celles que l'on a installées. On peut visualiser sa propre timeline, la timeline locale qui présente l'instance qu'on a installée localement. Et on peut visualiser son home, donc l'ensemble des personnes que l'on suit ou auxquelles on s'intéresse. Et du coup, ça rend la chose vraiment accessible et variée à plusieurs niveaux de lecture. Ouais. Wow. Voilà. Moi, ce que j'aime, Fred Dux, il est invité pour parler de Mastodon et puis il fait parler les autres de Mastodon. Mais voilà, parce que le site de Mastodon de Source, c'est vrai que je vais pouvoir l'activer lui aussi, si certains et certaines d'entre vous qui nous écoutez à cette heure-ci, eh bien, il y a une instance de Source. On a lancé cette émission tellement, on the spot, je n'ai pas allumé tous mes petits clignotants de Framatalk, de Mastodon, et donc bien sûr vous pouvez nous suivre là-dessus, mais je t'avoue que c'est Source cette poétite, si vous vous demandez. Ouais, Source cette poète poet.it. ouais, poétite comme Italie, mais comme Haïti aussi, c'est ça. Voilà. le gag du super gag de l'affaire, hein. Oui, mec, poète. et des poètes, pourquoi des poètes, ben, poète vos papiers. C'est la manière dont les... Parce que ça sonne bien quand même, en même temps, on le reconnaît, identifiable. Sachant que le logo est vraiment un mastodon. C'est on dirait que ça vient de la préhistoire, mais pas du tout, c'est ultra actuel. Mais c'est un petit peu plus gros qu'un oiseau, de vrai. Donc, l'instance de Mastodon que vous hébergez a... Combien d'heures de vol déjà? Allez, combien de mois? On ne doit pas être si loin de fêter son premier anniversaire, peut-être dans... Non, 10 mois, mettons, à vue de nez, à vue de Mastodon. À vue de trompe. Et du coup, pour moi, ça a vraiment été une source d'information. C'est devenu ma source d'information principale, finalement. Et ce serait vraiment bien de retrouver l'ensemble du milieu bruxellois sur... sur notre timeline locale, ça permettrait d'avoir des échanges partagés. Voilà, vous pourriez vous rendre compte que à Source, on boit du vin et on mange du très bon fromage. Bah ouais. Et d'ailleurs, depuis que j'ai quitté Twitter, qu'est-ce que je toute ? C'est vrai ? Ouais. Tu as vraiment senti la différence ? Comme ça, du jour au lendemain, quasi. Alors, je ne sais plus qui a dit ça, j'ai vu ça dans un truc de Tom Pomme, de Communecté, qui a fait une présentation très intéressante sur l'Internet libre. On mettra ça dans les liens de l'émission. Communecté ? Ouais, alors attends, Tom Pomme, il citait quelqu'un qui disait... sur Twitter, tu lances un peu d'amour et ça se diffuse, enfin ça se dissout plutôt, et tu lances de la haine, ça s'épand. Et ben, c'est pas du tout pareil sur Mastodon, donc il y a probablement quelque chose qui a un rapport non seulement avec la technique, parce que finalement les techniques sont relativement comparables, mais surtout peut-être avec la technologie, avec comment les gens la fabriquent et comment ils la partagent. Et j'ai vraiment l'impression que les gens avec qui on peut discuter sur Mastodon sont déjà probablement des early adopters, comme on dit, des personnes qui sont early, des adopteurs précoces. Ok. Des gens qui ont qui éjaculent vite très tôt. Non, ceux qui ont beaucoup d'instinct, quoi. C'est ça. Et qui s'intéressent principalement aux logiciels libres, aux communs, enfin voilà, peut-être des gens de gauche, on peut dire. D'une manière globale, oui. D'une manière globale. En tout cas, des gens qui aiment autant la biodiversité que la technodiversité. Voilà. Je m'étais laissé dire, c'est un article, que le fait de passer de 160 caractères chez Twitter à en général 450-500 chez Mastodon permettait d'avoir des conversations un peu plus soutenues, de pouvoir mettre plus de mots pour exprimer une idée, une sensation, une envie, et que ça évitait de tomber dans un certain schématisme, une réduction, oui, pas par réduction, on tombait vite dans le fameux syndrome de Goldwyn là. Enfin, on en venait vite à des gros mots. Bon, il y a qu'à voir comment Trump se sert de Twitter et ce qu'il a l'habitude de penser, de balancer là-dessus. Ça fait peur. Et ben ça aussi, ça fait du bien, tu vois, de plus avoir accès à ce genre de désinformation. De désinformation. Après, oui, ça, on allait y venir. C'est beaucoup plus calme en fait. Mm-hmm. On peut prendre le temps. Mm-hmm. On peut faire des silences. Ouais, silence bienvenue. Et donc, c'est né dans l'urgence de ralentir. Du titre de ce documentaire à retrouver sur le net, qui est édifiant. Et donc tu disais tout à l'heure un chouette nouveau mot, communecteur. Ça c'est pour Virginie, elle est timide. Oui, voilà, on a couru pour arriver jusqu'ici, elle est encore fort essoufflée, et voilà, on va lui laisser le temps de reprendre son souffle, et de nous en dire plus après. Enfin voilà, mais on peut garder peut-être le chapitre communecteur pour un petit peu après. Parce que c'est un mot étonnant, communecter, parce que ça fait penser quand même, a priori, on pense à quelque chose d'urbain, on pense à la transition entre ville en transition, commune en transition. J'ai traversé Bruxelles à vélo, là. Je peux vous dire que je les ai vus tous de très mauvaise humeur. Et quand on les cherche en ligne sur Vimeo, on tombe sur une vidéo d'un truc qui se passe à La Réunion. On a juste envie d'être avec eux. Donc, ils sont pleins de contradictions. Oui, communiquer La Réunion, ça va bien ensemble, hein, quelque part. Avec un R majuscule, hein, ne vous méprenez pas. Et donc, oui, tu... Et donc, pour terminer, parce que... Ouais, on était encore en plein Mastodon. Ouais. Plus tard, mais c'est un très, très, très beau projet de cartographie des communs. C'est bien ça. Alors, les communs ou les communaux, tant qu'on est dans la belle sémantique, après ce grand souci de crémastistique, hein, si on est dans les communs, les communs, on fait vraiment une grande distinction sémantique alors, dans source. Ouais. Et pour les sourceux et sourceuses de source. Alors, moi j'ai un problème avec les communs, c'est que, en fait, pour moi, les communs, c'est une traduction littérale de l'anglais commons. Voilà, Creative Commons, tout ça. Et le problème, c'est que les communs en français, en bon français, en bon François, les communs, c'est les chiottes. Donc, c'est pas très valorisant pour ce qui est censé être en partage entre tous et toutes. Ouais, donc les WC deviennent le moteur commun. Tu vois, je t'ai dit, hein, depuis que j'ai quitté Twitter, qu'est-ce que je toute. C'est génial. Mais, c'est une nouvelle vie, quoi, carrément, qui se met en place, quoi. Ouais. Et vous êtes hébergeur de cette instance de Mastodon, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines qui sont connectées entre elles par la magie de l'Activity Pub, et qui créent donc un plus qu'un univers, c'est un univers fédéré, c'est devenu un fait divers. Il ne faut pas oublier le S à la fin, sinon on reste au bout de fait divers. Divers, ouais. Un peu trivial pour un vendredi soir. Et le week-end s'annonce chaud, déjà qu'il y a une cargaison de gilets jaunes demain qu'ils ont tendu un peu partout en Europe. Mais donc voilà, le fait divers est une contraction donc de fédération et d'univers, parce que tous ces réseaux sont interconnectés et c'est beau, non? Le fait divers précède ActivityPub, hein, faut dire. Il y a eu d'autres protocoles avant. Mais il y a Chris Weber, Jessica Talone et d'autres personnes, Evan Prodromou qui avait fait StatusNet et puis Pompeo, qui se sont réunis et qui ont dit bon ben bah, là quand même ça fait des années qu'on essaye de se fédérer, ça marche plus ou moins, Chris a dit, bon, bah, moi, je m'arrête, j'arrête de faire Media Goblin, je vais me consacrer à faire, à formaliser ces protocoles, on va en faire un standard. C'est ActivityPub et ils ont bossé ensemble pendant bien 2 ans, je crois, pour pondre ActivityPub. Qui est donc du code. Bon, le Fediverse en lui-même n'en est pas un, c'est un, bah, c'est, un constat. C'est pas du code, c'est un standard un qui fait, définit voilà. Comment faire du code pour se connecter, pour s'interconnecter. Okay. Donc pendant que les autres faisaient leur code, Chris a arrêté de faire le sien pour dire voilà comment on va faire ensemble tous les trucs. Donc voilà, il a fait ce sacrifice et on le remercie. Donc vous pourrez le remercier d'ailleurs de vive voix et de vif touché au FOSDEM. Il sera là pour une table ronde d'ActivityPub, très probablement modérée par Natacha, dans la Ezeyev. Dans la dev room, la salle de développeurs de l'internet décentralisé et de la vie privée. On ne sait pas encore quelle salle a été affectée ou sera affectée. En revanche, on sait déjà qu'il y aura un final sur l'ActivityPub où on espère avoir pas mal de développeurs de projets ActivityPub. Pas les citer pour l'instant parce qu'on ne sait pas qui va venir. Et est-ce qu'on a déjà une petite liste des différents services, différentes plateformes qui utilisent ActivityPub? Donc il y a Mastodon. On avait parlé déjà ici. Diaspora faisait aussi partie du mouvement d'ActivityPub. Ouais, Diaspora, ils supportent aussi au Status, je crois. Oui, mais si on faisait juste la liste d'abord pour commencer par ActivityPub. Alors, ActivityPub, il y a Plume, donc Plume c'est du blog, il y a WriteAs qui est du blog aussi, Minimaliste, tout ça c'est bien parce que c'est. Alors, moi ce que j'aime beaucoup dans ActivityPub, bien que j'aime pas beaucoup le web, c'est justement la possibilité de faire des applications très minimalistes. Parce que du coup, tu vas utiliser. Plume pour faire ton blog, et puis tu vas utiliser Prismo pour partager tes liens, et puis tu vas utiliser PixelFed pour partager tes images, et puis tu vas utiliser Mastodon pour partager... Le fait que tu as déjà mis tout ça sur le net. En ligne, et puis tu vas utiliser Funkwhale pour partager tes musiques, et puis tu vas utiliser Peertube pour partager tes vidéos, et voilà. Et tout ça, c'est de l'ActivityPub. Et c'est de l'ActivityPub, et chacun fait son truc. Il y a peut-être des auditeurs, auditrices, là maintenant, qui sont en train d'utiliser une de ces plateformes-là, mais de manière brechtienne, dirais-je. C'est que avec des pancartes sans savoir qui est derrière, qu'est-ce qui fait quoi. Et donc, ça peut leur donner l'envie de venir serrer la pince, offrir un café, une pizza à un des super devs ou une des super devs d'ActivityPub au FOSDEM ici les 2 et 3 février. Ça crée du lien. Mm-hmm. C'est déjà qu'il y aura beaucoup de monde, comme chaque année. Oui. Et là, du coup, ça va permettre de venir congratuler, de venir hugger en tout bonheur pour ces gens qui se sont déplacés jusqu'ici. Quoi. Ouais. D'autant plus que on est en train de discuter d'une possibilité. Alors, vous savez généralement comment ça se passe dans les conférences. On fait un repas avec les speakers. Mmh. Et en fait, nous, on s'est dit, non, on va pas faire un repas avec les speakers parce que c'est un peu dire que les présentateurs, les intervenants sont différents du public. Et l'ActivityPub, c'est pas ça l'esprit. Donc, l'idée, c'est plutôt de trouver un endroit. Alors, appel à tous les endroits de Bruxelles qui veulent bien accueillir plein de gens pour faire ça. L'idée, c'est plutôt de faire un route tous ensemle. Voilà. Voilà. De s'inscrire sur Airbnb et de se proposer donc comme hébergeur de développeurs, développeuses qui évidemment ont envie de vous rencontrer parce qu'ils savent que vous êtes du bon côté de la force et donc de pouvoir les héberger. Ouais, donc c'est Airbnb mais avec un F devant. Ça vient. Si c'est ça qui te faisait sourire. Non, je peux non, hein. Okay, voilà. Mais bon, il y a du covoiturage qui est prévu. Bah, écoute, j'avais pas fait le lien. J'avais pas fait le lien. Oui, mais non, ça vient du Canada, je pense, si mes souvenirs sont bons. On avait causé ici dans Source il y a quelques temps, quand j'étais tombé sur la nouvelle info. Mais donc voilà, c'est de faire de l'anti-Airbnb, même pas de l'alter, mais vraiment de l'anti. Ouais. Parce que. Revenir à couchsurfing avant que ce soit racheté par une méchante société commerciale qui veut profiter. Exactement. Et donc, la question de charte va de nouveau revenir sur le tapis, hein, comme on a développé ce matin lors de l'atelier CESEP.culture et la charte de InCommon et d'un humanisme profond. Et donc, ouais, c'est la charte de Airbnb est pas mal non plus dans le genre. Bon, oui. Voilà, petite parenthèse. J'ai l'impression que finalement, on a quand même eu pas mal d'aventures en logiciel libre où on a constaté que faire la différenciation entre logiciel libre et open source était vraiment indispensable. La dernière en date étant. Le rachat de GitHub. Le rachat de GitHub, le rachat de Red Hat. Ah oui, aussi. Voilà, quand c'est l'hécatombe. Des choses assez costauds. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était quand même pas si mal de placer les intentions d'un projet au départ du projet. Et d'où l'utilité d'une charte qui permet de situer précisément ce qu'on veut faire et de préciser les intentions clairement. Avant de faire une fondation, carrément. Un petit peu comme m'expliquer pour Wikipédia, ne pourrait jamais être racheté parce que ils se sont constitués, moralement parlant, ils ont mis sur papier le fait que ils se constituaient en fondation et que c'était clairement stipulé que non, ça resterait du bien commun et que ça ne voilà. Alors oui. Je vois le doigt du juriste se lever comme ouais, ça. Ouais, parce que alors tu parles de Wikipédia, mais dans le cadre d'OpenStreetMap et d'autres projets similaires. Je ne connais pas le cas de Wikipédia sur ce point précis. Mais il y a un problème toujours très, très prégnant, c'est que les représentants de ces institutions sont généralement des hommes blancs, européens ou américains en grande majorité. Et du coup, les gens qui ont le plus besoin de ces services-là, qui sont en position de résistance face à des invasions coloniales ou pire, si on peut faire pire, je sais pas. Voilà, les Africains, les Asiatiques, les Sud-Américains, ils sont très peu représentés dans ces instances-là et ça se ressent dans les actions des fondations. Donc ça, c'est un point très important à prendre en compte. Je crois que, je ne sais pas pour faire BNB, mais en tout cas, je pense qu'InCommon est relativement féministe sur ce plan. Parce qu'il ne faut pas oublier que soit OpenStreetMap ou Wikimedia, c'est aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre. On va faire un petit tour du côté de Skyaman avec son petit morceau Come a Long Way. Et on se retrouve après pour la suite de Source. Give up and never give in. So nature. I'm a believer, listen yourself and you will receive the truth, the wisdom, the patience and clarity. Live in the moment and learn from the tragedy. I, oh I, won't panic in the havoc. I stand firm, solid roots, love's the key. And yes, I have it, tell ya I, oh I, when I'm put to the test. Yaman, Come a Long Way, Creative Commons, ça vient d'auboudufil.com, on peut le copier, le publier, le modifier et le transformer, mais pas d'usage commercial. Merci Skyaman, nous sommes toujours en présence en studio de Elekin, Natacha, Virginie pour la suite de Source, l'émission du ou des libres de l'Université libre de Bruxelles, dont Radio Campus en est l'émanation radiophonique sur le 92.1 de la bande FM de Bruxelles, ou l'un ou l'autre de nos streams. Ça, vous avez le choix sur radiocampus.be. Alors, nous étions en train de parler de différentes instances bruxello-bruxelloises qui peuvent héberger vos sites de micro-blogage. Donc, un site de Mastodon existe sur le site de Petite Singularité.be, non, c'est ps.u. Alors, on a plusieurs domaines, mais pour le Mastodon, c'est s10y.eu. Mm-hmm. Et, oui, oui. Et la maison mère? La maison mère, c'est ps.lesoiseaux.io. Voilà. À partir de là, on peut sauter de branche en branche et se laisser voltiger jusqu'à au Mastodon, par exemple. Mais bon, il y a d'autres choses que vous avez mis en place avec les petites singularités. On a aussi ps.zoethical.com, zoé comme la vie, ethical comme l'éthique. Avec un H, oui. Pour pas confondre avec l'éthique politique, parce que l'éthique politique, ça s'écrit sans H. Et là aussi, vous pouvez aller faire un petit tour dans les dictionnaires pour voir la différence entre éthique avec H et sans H. Avec un K, ou alors sinon vous l'aurez dans le cul. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est... Oui, très juste. Hein, l'éthique sans H, c'est maigre. C'est maigre. Radio Campus, une radio à vocation didactique. Sémantique. Et on avait évoqué aussi In Common à un moment donné au Discourse, quelles sont ces différentes instances satellites. Common, on en parlait tout à l'heure à propos de la charte. Mm-hmm. Donc, je vous invite à la consulter sur talk.incommon.cc, qui est l'instance de discours qui a été mise en place pour le projet Incommon. Incommon est un projet de base de données partagées pour les cartographies des communs. Donc, c'est un service qui sera utilisable par les personnes souhaitant faire des cartographies des communs. Donc, toutes les personnes participant en commun sont invitées à partager leurs données par le biais de l'open data dont on parle de temps en temps à la télévision en période préélectorale. Et comme on n'est pas à la télévision, on peut dire que c'est quand même un projet anticapitaliste. Comme vous pouvez le lire dans la charte. Donc, voilà. L'idée, c'est de fédérer nos informations sur un endroit où elles soient protégées et partageables. Mmh. Ok, tout à fait. Et donc, Discourse, c'est une plateforme de discussion, de partage de documents, d'édition de documents en temps réel. C'est un outil de télétravail, de télé-réunion. Discourse est parti d'une idée très simple. C'est le mail, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est bien, mais c'est pas bon. Par exemple, les choses... Très bien, sur le mail, tout le monde en a, sauf les jeunes qui sont sur Facebook parce qu'ils connaissent rien à la vie. Oui, c'est pas vrai, les jeunes, ils n'ont pas sur Facebook depuis longtemps. Et puis, il y a des choses très désagréables avec les mailing lists. Par exemple, les dizaines de mails qui veulent dire « Ouais, super !» qui apportent rien à la discussion. Ou alors... les fils de discussion interminables où tu reprends des citations d'il y a 3 semaines et puis tu mélanges des citations d'il y a 1 semaine et puis tu rajoutes des citations d'un autre sujet d'il y a 3 mois, et ben c'est pas possible en fait sur les mailing lists parce que c'est juste pas fait pour. Mmh. Et ben Discourse résout ces problèmes là et permet d'intégrer des conversations qui peuvent devenir des discussions, qui peuvent devenir des bases de savoir, qui peuvent se transformer en wiki, en pad, en carte, en calendrier, en événement, en ce que tu veux. Il y a des plugins pour faire plein de choses, mais surtout, c'est un mode conversationnel. Donc, alors, c'est souvent comparé en termes d'usage et je sais pas, disons que moi je vois ça comme un pendant de Lumio. Lumio qui est un très bon programme en AGPL qui est fait par les gens qui font Inspiral, qui est une coopérative très, très intéressante. Le problème de Lumio pour moi, et c'est pour ça que je préfère le mode conversationnel de Discourse, c'est que ça te porte vers un décisionnisme, tu vois. L'idée, c'est que tu peux voter sur des choses. Donc, tu mets des choses en vote et voilà, tu votes dessus. Mm-hmm. Podemos, en Espagne, fonctionnait sur base de Lumio. Et voilà. Tu laissais dire que le monde de, ici, chez Écolo aussi utilise Lumio, il me semble. Alors, il y avait un autre programme similaire qui a été utilisé par le Pirate Party, notamment en Allemagne, c'était Liquid Democracy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je pense pas. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore, honnêtement. le problème de ça, c'est un peu le problème du mode représentatif de la politique actuelle. C'est que, voilà, faut du temps à consacrer. Et du coup, si tu n'es pas sur la plateforme pour voter, voilà, tu délègues. Et donc, mm-hmm. tu te places dans un mode représentatif. Lumio, apparemment, est passé au-delà de ce mode-là, qui pour moi est problématique, parce que justement, il ne favorise pas les rencontres et l'action concertée entre humains de chair et d'os, mais... facilite le clictivisme, tu vois, où tu es collé à ta chaise et tu commences à prendre racine et hémorroïde sur ta chaise et finalement tu décroches d'avec le monde. Voilà, donc. Okay. Et donc, Discourse, à ce moment-là, permet de reprendre des fils de discussion qui ont eu un lieu dans le temps et dans le passé. Et puis surtout sur des thèmes très différents. Tu peux vraiment traverser l'ensemble des conversations qui ont eu lieu sur des années et prendre des morceaux ici et là pour refaire une nouvelle discussion. Donc tu peux vraiment approfondir des choses qui peuvent émerger comme ça au fil du temps, des conversations entre les gens sans nécessairement que ce soit quelque chose de conscient. Et c'est un service, un outil qui est accessible en ligne, auquel on peut se connecter facilement, ou c'est un peu dans l'obligation de se l'auto-héberger quelque part pour se le développer en interne? Alors, il n'y a pas de volonté de faire une super instance qui couvrirait tous les sujets. C'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout de faire un Facebook ou un Twitter. C'est vraiment plutôt pour chaque communauté, chaque organisation, d'avoir son propre discours, de pouvoir gérer sa chose. Parce que comme on en parlait cet après-midi avec des gens qui venaient de divers milieux de l'associatif, et certains en tout cas en demande d'outils concrets fonctionnels, on a lancé l'idée d'avoir un certain Slack bien propriétaire, bien bourri, et qui trouve son équivalent dans Riot, R-I-O-T, dont on a déjà un peu parlé par ici. Tu vois, mais c'est dire que ce sont des services qui sont déjà là sur Internet, et on n'a qu'à mettre son identifiant, son mot de passe, se créer un compte et pouvoir utiliser fonctionnellement l'outil. Mattermost est pas mal dans le genre aussi, mais la version disponible sur mattermost.org ou .com est jouable, mais uniquement pour, enfin, avec des petites restrictions. Question de place et de bande passante peut-être aussi. Ouais, c'est pour ça que je me demandais si Discourse était super user-friendly, ou s'il fallait venir chez vous, chez Petite Singularité, pour s'ouvrir un compte Discourse et pouvoir remonter dans le passé. Alors, l'équipe de Discourse a vraiment fait des efforts pour faire en sorte que ce soit facile d'installer Discourse et de le maintenir pour des gens qui ne sont pas nécessairement techniques. Pour l'auto-héberger, ça demande d'avoir un petit serveur avec 2 gigas de RAM et Docker. Ok, donc, c'est pas férocement gourmand. Ça devient férocement difficile si tu veux faire une installation qui sort de cet usage-là. C'est-à-dire que si tu veux soit faire du Docker pur et dur avec du Kubernetes et déployer sur plein de serveurs, là, c'est pas possible. Enfin, c'est très difficile. Et si tu veux déployer sans Docker, c'est difficilement maintenable. Ouais, mais écoute, là, c'est une partie du discours qui devient très discursif. Et là... En fait, j'en parle parce que il y a eu le mois dernier, en novembre, une rencontre à Amsterdam entre des gens qui s'identifient autour du terme libre hosters. Donc, c'est des hébergeurs qui utilisent du logiciel libre et des plateformes libres. Qui ont décidé, donc c'est des gens qui sont par exemple des coopératives de travail comme EcoBytes qui existent depuis une vingtaine d'années en Angleterre, des gens un peu plus récents, des gens qui font un peu comme nous, tu vois, qui utilisent des logiciels libres et qui veulent pas laisser la technologie aux mains de Google et compagnie. Oui, donc les chatons qui débarquent en Belgique. Exactement. Et donc, qui ont décidé de se rencontrer et de se fédérer et de travailler ensemble, justement, sur ce genre de problématiques. Comment on installe tel logiciel? Comment on fait pour fournir du mail à 1000 personnes? Comment on fait pour ouvrir un chaton dans plusieurs langues? Comment on fait entre gens d'expérience pour partager nos connaissances et faire que... ces mouvements de chatons dépassent le cercle francophone. Donc, ils ont ouvert un compte sur Communecteur. Non, ils ont ouvert libreo.st, Donc c'est librehost, librehost. Et quel humour, mais quel humour, incroyable, c'est, hein. C'est génial. Mais c'est parce que ça vient des gens aussi de WeHost, etc. Disroute, Cozycloud, Cozyvort, voilà, etc., etc. IndieHost, etc. Donc voilà, des gens sympas qui offrent des services aux non-techniciens pour sortir des GAFAM. Mm-hmm. D'ailleurs, il y avait Pic de Framasoft qui nous a fait l'honneur, le plaisir, la joie de partager sa bénédiction de cette initiative sur l'invitation d'Agnès. Qui pourquoi t'es pas là, Agnès, d'abord? Elle m'a confié que le vendredi soir, c'était souvent le moment de la semaine où la quantité de Jupiter elle est active partout. Ouais. Et elle vient, justement, je viens de déjeuner avec elle, on parlait de différents projets et j'étais encore une fois impressionné par le nombre de projets dans lesquels elle était engagée. C'est impressionnant. Oui, oui, c'est, voilà. Mais bon, on finira à un moment donné. On finira bien par oui, la voir. Oui, voilà, un premier ou un troisième vendredi, elle se rendra disponible. Mais en fait, je demandais qu'elle soit là pour le premier vendredi de juillet de 2022. Ah, oui. Pourquoi ? Ça, c'est fait. Mais comme ça, elle a le temps de booker son agenda, quoi. C'est de ça. Pas accepter d'autres projets ou d'essayer d'avoir fini le matin, du vendredi matin. Que, voilà. Mais voilà, donc Agnès est une des chevilles ouvrières d'un des futurs chatons qui va débarquer à Bruxelles d'abord et puis en Belgique après. Parce qu'il y a déjà un chaton du côté de Liège et il y en a un Flandre aussi avec Nestor, tout ça. C'est un équivalent donc de collectif d'hébergeurs autonomes. Parce transparent, que fait partie de nouveau ouvert, ouais. Et neutre et solidaire. Ouais. Solidaire, hein. Ouais. Personne n'est solitaire dans le livre, c'est ça qui est génial. Bah pourtant, 95% des logiciels sont maintenus par une personne, donc voilà. Ouais. Pensez aux libertés collectives. Tiens, d'ailleurs, en parlant de liberté collective, en parlant de liberté logicielle, ah, il y a le fait divers. Qui nous fait passer. Non, non, c'est le fait divers qui nous a envoyé une petite image disant que WordPress a lancé un visuel sur les libertés. Donc la première liberté, la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. La deuxième liberté, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins. Mmh. La troisième liberté, la liberté de redistribution. Et la quatrième liberté, la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ses améliorations au public pour en faire profiter toute la communauté. Youpi ! Vive la GPL. On applaudit bien fort. D'ailleurs, tiens, en parlant de GPL, il y a un truc, moi, qui me questionne d'un très bon côté, je suis très content, mais je me rends compte que la grande majorité des programmes qui utilisent ActivityPub utilisent aussi la licence AGPL, qui est une version de la GPL, donc GNU Public License, qui est adaptée au réseau dans le sens où elle oblige les fournisseurs de services à divulguer leur code aux utilisateurs, ce qui évite notamment de prendre des morceaux de code libre, de rajouter des morceaux de code propriétaires, et puis comme des trackers, par exemple. Un truc patchwork comme ça où... On sait plus déjà que les dentistes ont arrêté de mettre des amalgames de plomb, d'étain, machin dans les caries, hein, pour arriver à une matière unique, des résines. Donc voilà, on a des amalgames de codes imbuvables et ingérables. Mais ce qui veut dire quand même qu'il y a un positionnement politique des gens qui adoptent ActivityPub qui n'existe pas forcément dans d'autres domaines du développement du logiciel. Donc peut-être qu'on aura c'est ce genre de discussion au FOSDEM. Ok, FOSDEM, 2 et 3 février 2019. Prochain. Et on aura le temps d'en reparler d'ici là, parce qu'on aura un source en janvier, bien entendu, même on aura peut-être deux sources en janvier. Puis on aura même encore un petit source avant fin décembre. Eh oui. Dis, Natacha, je voulais te reprendre un petit peu sur un truc que tu lançais tout à l'heure, le rachat de Red Hat. Rachat, ça on comprend, c'est vraiment du français, mais Red Hat, juste pour l'historique, parce que c'est un peu impressionnant ce qui s'est passé. Donc c'est une distribution qui avait commencé dans le domaine privé. C'était pour les humains, les simples utilisateurs, utilisatrices. Et puis, ils ont laissé tomber cette branche populo. Et ils se sont orientés vers les entreprises qui donc pouvaient disposer d'un super outil libre mais payant. Et donc ça a été pendant des années une distribution orientée business. Des gens qui disent ouais le libre c'est pour les chômeurs. Pas du tout. Hein, c'est quand même pour contrecarrer ce genre d'arguments un peu à la va-vite. Et donc, tu... non, tu n'as plus... Pas... Je suis vraiment pas une information de première main là-dessus. Par contre, l'idée du libre pour les particuliers, c'est... Ça résonne peu, puisque pour moi, il y a quand même plus de logiciels libres qui sont en fonctionnement que de logiciels propriétaires. La plupart du logiciel qu'on utilise est basé sur du logiciel libre. Donc c'est au cœur de tout, finalement, ouais. Le logiciel libre. Mais les usages pour les particuliers ont été plutôt... C'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Les usages pour les particuliers ont été pris par les corporations. Red Hat s'est posé à l'intermédiaire, en fait, entre... les systèmes libres et leur commercialisation, et a perdu complètement contact avec l'esprit des systèmes libres. En fait, a simplement fait une interface propriétaire. Enfin, non, la terminologie n'est évidemment pas correcte, mais de facto, c'est ce qui arrive. C'est placé comme interface commerciale, en tous les cas, entre les deux éléments. Maintenant, là, on voit très bien de quel côté vont leurs alliances. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vers la protection du bien public, mais bien vers la privatisation des systèmes. Voilà. D'où on peut peut-être rectifier cette citation que tu disais là, c'est pour les chômeurs, le logiciel libre c'est pour les chômeurs. Eh ben non, en fait l'open source c'est pour les gens qui payent pas d'impôts. Bien vu. Alors dans ce cas, j'ai l'enchaînement facile, vous me direz, qui chante dans cette petite chanson, mais elle est très jolie. C'est la deuxième fois que je la passe, je le reconnais, mais elle est tellement mini. Nos carnets de santé, nos poèmes, nos dessins, nos demandes de congés, nos premiers chats coquins, nos recettes de cuisine, nos relevés bancaires, nos rencarts, notre planning et notre compte à découvert. Rien à se reprocher. Rien à cacher. Rien à se reprocher. Rien à cacher. Si tu n'as rien à cacher, alors on pourrait mettre une caméra dans ta chambre à coucher et dans ta salle de bain et en publier les images sur Internet. Ou alors si tu n'as rien à cacher, on peut prendre ton login et ton mot de passe sur Facebook ou sous Google, les publier et que chacun puisse aller fouiller dedans. Nos listes de choses à faire, nos tendres SMS, nos écrits de colère et nos carnets d'adresses, nos cafés préférés, nos horaires de piscine, nos ennemis jurés et le nom de la voisine. Rien à se reprocher. Rien à cacher. Rien à se reprocher. Rien à cacher. Se dire « Oh, je n'ai rien à reprocher, donc je n'ai rien à cacher » est un petit peu absurde dans un monde où la surveillance est généralisée et où on a vu que c'est à trois niveaux de relations que les individus sont surveillés par la NSA. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est le frère, peut-être perdu de vue, d'un type barbu qui est soupçonné de commettre des actes de terrorisme, si vous n'avez rien à voir avec cette personne, alors c'est potentiellement tous vos emails, toute votre navigation, tous vos coups de fil, tous vos SMS, qui sont espionnés par la NSA. Nos cartes d'adhérents, nos radios, nos scanners, les photos de nos parents, nos bulletins de salaire, notre poids en chocolat, nos drogues favorites, les vidéos du chat et nos idées politiques. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, rien, rien, rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, rien, rien, rien à cacher. Ces choses que l'on a envie de garder pour soi, c'est son intimité. C'est là que tu peux expérimenter avec des théories, des hypothèses. Tu peux dire, et si... Oh, et puis non. C'est là que se niche ce que l'on pourrait appeler la créativité. Et c'est ça qui est menacé. Lorsque l'on se sent surveillé. Lorsque l'on est surveillé. Nos mails inachevés. L'adresse de notre docteur. Notre âge est détaillé. Nos relevés de compteur. Nos préférences sexuelles, à bien y réfléchir, sont pas si personnelles que l'on veut bien le dire. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, rien, rien, rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, rien, rien, rien à cacher. En fait, on a tous quelque chose à cacher. Quelque chose à cacher de son petit copain, de sa femme, de son patron, de son collègue, de ses amis. On a tous au moins un quelque chose à cacher de quelqu'un. On voit bien que les comportements changent quand on se sent espionné, quand on se sent surveillé, quand on ne peut plus bénéficier de cet anonymat qui fait partie directement de la protection de notre vie privée, comme il fait partie de la liberté d'expression. Nos lectures matinales, nos clics et nos cauchemars, les sources de notre journal, si on se lève tôt ou tard, nos entretiens d'embauche, le montant de nos impôts, notre conception de la gauche et la taille de notre bureau. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, rien, rien, rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, rien, rien, rien à cacher. Si toi tu penses que t'as rien à cacher et que du coup tu t'en fous et que t'as envie de tout donner à Google et à Facebook, bien, tu te rends pas compte qu'en faisant ça, tu vas aussi donner une partie des communications de tes correspondants, de ta famille, de tes amis à Google et Facebook. On devrait exiger des pouvoirs publics, ils imposent des régulations strictes de la protection des données personnelles et de la vie privée, de la même façon qu'on devrait exiger un encadrement strict des activités de renseignement et des activités de surveillance. À part bien sûr notre vie privée, on n'a rien, rien, rien, rien à cacher. À part bien sûr nos petits secrets, on n'a rien, rien, rien, rien à cacher. Eh ben merci à Mylène B et à JZ de nous avoir fait ce beau cadeau de rien à cacher. Et nous, du coup, on cache pas leur identité parce que pff, rien à branler. Voilà. Et en direct, tout de suite de peertube.lekangourou.me. Mais bon, si vous voulez d'autres instances de peertube, il y en a tout plein, tout plein, tout plein. C'est aussi du décentralisé, c'est aussi de l'activity pub, ouais, dont on parlait tout à l'heure, parce que je sais plus si on l'avait dit. Et donc rien à cacher, ça vient quoi d'Edward Snowden qui disait que si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à se cacher, mais c'est comme si on n'avait rien à dire, on pouvait se foutre de la liberté d'expression. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il dit dans son film, dans le film Nothing to Hide, ouais. Que j'ai vu 3 fois d'ailleurs, tellement il est génial. Et ça me fait penser maintenant, donc c'est la COP 24 et dans le film il parle de... de quelqu'un qui a aidé à l'organisation, je ne sais plus, pour Amnesty ou quoi, de la COP 21, et qui a remarqué qu'il était suivi dans la rue, et que, alors qu'il disait, voilà, j'ai rien à cacher, oui, je milite pour... je suis un militant écologiste, mais voilà, pacifiste, etc. Et il est quand même suivi par les renseignements français. Et il a vu qu'il avait un dossier qui retraçait, voilà, tous ses faits et gestes partout. C'est assez hallucinant, quoi. Oui, ouais, donc il y avait de l'information comme du temps de l'Astasi, l'Ecstasy. Ah, ah, ah. Et en France, là, ils ont vraiment fait fort, quoi. Préventivement, ils arrêtaient les gens pour qu'ils ne soient pas des risques de menaces pour le bon ordre public. Voilà, un peu ça. Et donc là, le fameux rien à cacher remonte, est un petit peu plus ancien. Hein. Je pense que c'était Goebbels qui avait déjà balancé ça dans les années 40. Si vous n'avez rien à vous reprocher, bah, effectivement, vous n'avez rien à nous cacher. Il avait oublié le nous. Quel con, ce Goebbels. Il était dyslexique. Hein. C'était un Asperger dyslexique. Ouais. Mais c'est vrai, donc t'as réussi à voir ce film trois fois, Nothing to Hide. Oui. Ouais, moi, c'est déjà la première fois, après une demi-heure, j'avais déjà les tripes qui serraient tellement. Je me dis, waouh, banzai. C'est effectivement. C'est clair que la première fois, et je l'ai vu toute seule dans mon salon et j'ai eu peur. Ouais, ouais, voilà. Donc, peertube.xyz, ça a trouvé votre instance, et là-dedans, on pouvait effectivement retrouver la version Nothing to Hide en français. Mais le documentaire sur Snowden, c'est Citizen 4. Au moment, donc on est en 2013, on est un jour avant qu'il ne dévoile à la face de la Terre avec Poitras et Greenwald. Ce qu'on disait depuis 20 ans. Ouais, mais voilà, ce qu'on pensait, mais il n'y avait encore personne pour le dire. Là, lui, il avait des preuves. Tu combines Nothing to Hide avec Citizen 4, le film sur Edward Snowden. Enfin, le film, c'est un documentaire, là, vraiment, ouais. Enfin, comme Nothing to Hide. Et là, on se dit, oups, ça fait des lustres que, voilà, on attendait que Communecteur émerge de la Réunion et qu'on puisse avoir ce genre d'espace clos, comme disait très bien Jérémy Zimmerman dans ce petit clip qu'il a fait là, il y a deux minutes. Tu nous en dis un petit mot de Communecteur, oui, parce que c'est fait. Un super outil. Ouais, c'est un projet que j'ai découvert cet été aux Rencontres mondiales des logiciels libres. J'ai trouvé génial. Et par son esprit et par le graphisme aussi, j'avoue que toutes ces couleurs et tout ça, j'ai trouvé ça très joli et esthétiquement, esthétiquement très attrayant. Et pour les gens qui ont envie de trucs sexy pour les yeux, c'est réussi en tout cas, c'est voilà. Vrai. Communecteur. Voilà. Et donc Communecter, c'est un verbe. Communecter. C'est mettre en commun. Enfin, il y a le côté commun, bien commun. Communiquer, se connecter, en fait, se connecter au bien commun, se connecter à la commune. Et à la commune, oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce que c'est un projet, donc un réseau sociétal qui se veut être le reflet de la société et donc qui est fait pour les citoyens, mais aussi les organisations peuvent, les entreprises et les administrations publiques peuvent aussi s'enregistrer. Et comme ça, ça permet à tout le monde de communiquer ensemble, en fait, pour améliorer l'environnement dans lequel on vit. Et c'est très régional, c'est très territorial en tout cas. Une volonté était de pouvoir rapidement mettre des gens en connexion de par la proximité qu'il y a entre eux, en plus des projets qu'on peut gérer à distance à travers les océans. Mais quand tu le montrais tout à l'heure, cet après-midi, j'aimais bien voir le fait que le réseau se fait à 3-4 rues près ou à l'autre côté de la colline. Oui, c'est ça, c'est basé sur une carte en fait. C'est ça la grande différence avec d'autres réseaux sociaux, c'est qu'on voit où sont les gens qui sont abonnés à nos pages, donc les entreprises, les magasins, les autres citoyens, les autres personnes, ils sont localisés sur une carte. Alors évidemment, ils mettent leur localisation comme ils le sentent. S'ils veulent mettre leur adresse, le numéro de rue, etc., ils peuvent. S'ils veulent juste mettre la ville, c'est bon aussi. Mais donc, on voit les gens qui sont proches de nous. Voilà, il y a un côté territorial, local. Mmh. Voilà. En plus de la possibilité de développer des projets, de mettre en route des initiatives citoyennes, mais je veux dire, individuelles, on peut lancer une étincelle d'un projet avec appel à participation. Et c'est ce que j'essaie de me rappeler les mots que tu nous as montrés tout à l'heure l'interface de Communecter. Oui, donc on peut créer, donc outre son profil personnel, on peut créer des projets qui sont des ensembles d'actions qu'on va mettre en route. Et par exemple, si on veut organiser un festival, le projet sera un festival, on va créer une page pour ça, et dedans, on va créer des événements comme des concerts, des conférences, ça sera reporté sur un agenda, tout ça est intégré. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est l'espace coopératif. Donc ça veut dire que pour le projet, sur la page du projet, les gens qui veulent deviennent membres de ce projet et on peut prendre des décisions ensemble. Alors on arrive dans un espace fermé où on discute ensemble. Il y a un mini Lumio, comme on en parlait tout à l'heure, Lumio qui permet donc de prendre des décisions collectives à distance et d'arriver au bout du compte à une décision. Oui, c'est ça, avec des des sondages et des votes, en fait. C'est ça, il y a un outil de vote qui est intégré dans Communecté pour voir si les gens veulent quelque chose ou ne veulent pas, quoi. C'est vraiment... Et toi, tu l'utilises à des fins privées? Parce que j'imagine, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y avait des collectivités, des trucs un peu étatiques, qui pouvaient faire un compte dans Communecté et de faire des mini-sondages ou, comment on dirait, des référendums auprès de sa population. Mais moi, par exemple, j'ai créé la page du magasin Oxfam où je travaille pour en faire la promotion, parce que je partage ces valeurs-là. Et donc, je ne dois pas attendre que quelqu'un de chez Oxfam crée la page. Moi, en tant que citoyenne, je peux créer cette page-là et d'autres personnes peuvent s'abonner pour suivre le fil, tout ce que je vais poster dessus. Voilà. Tout ça étant libre, plutôt du secteur non marchand. Donc, l'avantage de Communecté par rapport à une page Facebook, c'est qu'on est en train tient pas le gros capital et on n'engraisse pas des milliardaires de multinationales. Exactement. Hein? Ouais. Que donc le code source est libre et on peut aussi d'ailleurs communiquer facilement avec les développeurs de ce logiciel génial. Et si vous voulez leur offrir un café, prenez un ticket pour la réunion directement et passez 15 jours là-bas et vous nous envoyez une petite carte postale à source. Donc c'est vrai, ils sont basés là-bas dans le Pacifique. Ils sont basés à La Réunion, mais maintenant, il y a aussi des développeurs à Strasbourg et à Lille, en fait. Oh non ! Ah oui, ils sont revenus. Ah ben oui. On va rentrer chez vous, enfin... Voilà. Et donc, okay. C'est très, très actif en France. Voilà, il y a beaucoup... Très actif. Oui, c'est vrai que sur la carte, pas que la géolocalisation est quelque chose de mesquin d'un côté pour savoir si on va vous faire passer une pub pour un resto ou pour un magasin de chaussures qui commence par Z et qui finit par O. Mais le fait de la bonne utilisation de la géolocalisation, c'est de savoir qu'on n'est pas tout seul au monde. T'es pas tout seul, Jeff. Non, je dis ça à Lekin parce qu'il a l'air d'être parti tout seul sur son petit endroit bien sympathique. Non, je dis juste à Communecté que... On parle de vous sur source. Ouais. Bah voilà, tu me suis sur Mastodon, toi. Bah, oui, parce que tu me précèdes, alors c'est normal que je te suive. Je j'ai pas songé à taper dessus. Moi, j'ai une feuille de papier et un stylo bi et c'est comme ça que je tweet à moi tout seul. À ma date, espèce d'analogique. Oui, je voulais encore dire autre chose. Il y a un outil qui est intégré à Communecté qui s'appelle Rocket Chat et donc qui permet du chat en direct, donc l'équivalent de Messenger, un peu de Facebook. Et de quoi J'ai oublié. Non, faut pas dire des gros mots à l'antenne. Hein. Non. Ouais, il y a des enfants qui nous écoutent. Facebook, voilà. C'est quand même mieux que Cacabook. Oh, c'est pas sûr. Bah, caca, c'est du langage très enfantin. Ça, c'est pour les enfants. C'est, voilà, tu vois, Facebook, c'est joliment dit. Source, l'émission libre pour les 3-4 ans. Il y avait Rocket Chat, alors à ce moment-là, ça cause à travers le monde entier. Ça fait de la vidéoconférence aussi? Ou quand tu dis c'est du chat, c'est du clavardage, comme disent les Québécois, c'est ça. C'est tapé par écrit. Oui, c'est ça, voilà. Okay. Oui, c'est ça. Mais on peut aussi intégrer d'ailleurs des fichiers, s'envoyer des fichiers, mettre des vidéos, mettre des photos, c'est très... De l'audio aussi. De l'audio. C'est un peu comme Mattermost, en fait. Je crois que c'est un clone. Ouais, je sais pas. Ouais, dans Mattermost, ils ont pas pris de contact avec OpenStreetMap pour avoir les petits plugins sympathiques pour ajouter les cartes, les zooms et de pouvoir géopointer des endroits comme ça. Mais... Parce qu'on on a dit que c'était basé sur OpenStreetMap. Je crois que j'ai... C'est basé sur OpenStreetMap. C'est ça qui est bien. Toute bonne cartographie de nos jours est basée sur OpenStreetMap. What voilà, else? En effet. What else? Comme dirait le vendeur de café, là. What else? Ben oui, OpenStreetMap. Mais oui, mais c'est bien sûr. C'est la base. Ouais, ouais. Et donc voilà, tu en recommandes vivement l'usage. Ah, oui, oui, oui, donc c'est fastoche. Moi, de nouveau, c'est parce qu'on en parlait tout à l'heure avec différents types d'outils. Il faut vraiment avoir la capacité de les héberger quelque part, ou à la maison ou ailleurs, mais donc pouvoir les gérer. Ce que j'aime bien avec des outils comme Communecteur, comme Riot. Arrête de dire Communecteur, c'est les Français, c'est communecté. Communecté. Connecter les communes. Communecter. Enfin, c'est simple. Ouais, ouais. Et c'est même pas un anglicisme, hein. C'est vraiment, non, pour c'est le hein c'est moi. C'est pas comme commun. C'est quoi, si on allait boire un petit verre après à Tervuren. À quoi? À Tervuren. Tervuren. Il y a une super friterie là-bas. C'est un bar en fait. Mais ils font des super frites. Et donc c'est communecté.org. Voilà, sur communecté.org, voilà. On peut si ouvrir un compte identifiant, mot de passe. Et alors après, de déployer tous les outils dans son entourage proche. Du coup, c'est sûr d'inviter les copains et les copines après. Quoi. Oui. Hein, comme on disait par rapport à Diaspora et Diaspora hein, tout à l'heure, c'est que d'accord, on est quand même à 600 millions face à 2 milliards mais, chez Facebook. Le fait de coopter, de parrainer quelqu'un est quasi automatique. Hein, c'est Mark Zuckerberg qui te dit « Ah, toi, tu vas peut-être aimer celui-là ou celle-là. » Ah ouais, c'est comme ah les oui, recommandations d'Amazon, en fait. Ouais. Recommandation, c'est presque un recommandé. Hein. T'es obligé. Est-ce que tu recommandes des socks pépettes, Marc? Ah ouais, on a toute cette foule-là. Bon, en tout cas, si Marc vous recommande moi sur Facebook, c'est pas moi. Tu t'es remplacé par une instance qui est tout à fait autonome. J'ai juste jamais réussi à passer les examens d'entrée. Les examens d'entrée de Facebook, j'ai jamais réussi. Ouais, t'es cru, on en parlait là, tout à l'heure, d'une personne qui a mis longtemps à bien analyser les tenants et aboutissants de Facebook. C'était la dame qui était en face de nous dans le U. Et qui le jour ah oui, elle a effectivement essayé de se connecter à Facebook et même pas deux jours après bam elle était exclue je sais plus pourquoi et après elle a essayé d'envoyer ça non s'il vous plaît je ne veux pas être exclue de la vie digitale. Surtout de faire partie d'une meute de scouts de 2 milliards de louveteaux. C'est bon, il y a beaucoup de louveteurs, je reconnais. C'est quand même chronophage, hein, cette affaire. Mais voilà, communectez-vous, hein, prolétaires du monde entier, communectez-vous, qui disait Sacré Karl. Il avait bien vu ça à l'époque. On a on encore de ce qu'on disait un petit peu de, sur la vie, quoi. De oui.be. Ouais. Tout à l'heure, là, on l'a légèrement évoqué, mais comme ça fait longtemps qu'on en a plus reparlé. Et bah, tu sais quoi, il y a un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé et qui m'aurait bien plu qu'on aborde, c'est féministe gaming. Ouf, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Ça va. Mais écoute, c'est parce que voilà, on nous reste un petit deux minutes comme ça. On termine notre petit retard d'entrée et malheureusement pour nos addicts de heavy et de hard. Extrême onction n'aura pas de direct aujourd'hui. Oui, et, Virginie, et oui, pour les plus jeunes d'entre nous donc, qui nous écoutent, Communecté est disponible en application. Donc sur votre Play Store, vous pouvez télécharger l'application pour avoir votre réseau. Sur Android aussi. Avec vous tout le temps. Non, sur iPhone et sur Play Store uniquement. Et ben ça, c'est pas bien. Je vais les engueuler. Sur Android, on passe par un autre. On passe par autre chose. Passe par Yalp et alors ça marche. Dans F-Droid, tu vas chercher. Donc F-Droid étant un Play Store, mais sans glyphosate et sans perturbateur endocrinien. Et dans F-Droid, vous allez chercher Yalp. et Yalp va les chercher pour vous sans votre identifiant. Mais ça, c'est dans le cas uniquement où des gens ont lancé leur smartphone Android sans mettre leur adresse Gmail dedans pour rester un petit peu plus libre, comme disait tout à l'heure Zimmerman, sans rien avoir à cacher. Alors voilà pour que la réponse pourquoi j'aime communiqué pas Yalp n'est... et pourquoi Communicté n'est pas disponible sur F-Droid, c'est parce que uses Google Play Services. Et moi, j'ai pas Google Play Service sur mon Android, du coup, bah, ça va pas marcher. Mmh. Donc, mes amis de Communicté, faut faire un fork et puis balancer sur F-Droid. Ça va. Ben, on va aller faire une petite réunion hein, après notre émission de source. attachez vos ceintures. Ça va décoller dans pas longtemps. Mais voilà, c'était bien ce source de. Début décembre, ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus entendu avec ces mois à 5 vendredis. Moi, j'en suis mari. Hein ouais, il faudrait qu'on se voit plus souvent. Putain de mois de novembre, hein. Quelle horreur. Ouais. Alors, très chers vous tous, très chers vous toutes, merci d'être restés à l'écoute de Source, de Radio Campus. On vous souhaite une excellente fin d'après-midi et on se retrouve dans 2 vendredis. Et vive la liberté et à mort la Macronie. Et surtout, comme disait le poète, que la force du libre soit avec vous. Je peux expliquer. À bientôt, ciao, bye bye. Salut Alekine, salut Natacha, salut Virginie, merci d'être venus aussi nombreux. On fera pire la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. On fera pire, on fera toujours pire. Pire tout pire, pire tube. Personne n'a du pouvoir sur personne. Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs. Le seul incitation à innover, c'est qu'on vous copie. Radio Campus, le carnaval c'est dans ta tête.